s'il avait dit ce que Manon Moncé a dit hier. Québec, raide-toi! Même ma blonde est mieux plus délicate passé, hein? qu'avec moi quand elle me réveille. Tu sais, quand je ronfle, ma blonde est plus délicate que Manon Massé, là. Même plus délicate que ça, là. Sérieux, là? Pourtant, elle me brasse, là. Oui, oui, oui. Manon, hier, là, c'est tout un wake-up call, là. Aïe, aïe. J'avais pas peur de Manon Massé, mais depuis là. Hier, je suis plus sûr. On va marcher les fesses serrées au Québec, là. Hey. Oh. J'ai trouvé drôle, Québec solidaire, mais là, c'est du sérieux, là. Oh, oui. Je suis intimidé, là. Attention, moi, c'est de l'intimidation. Ni oui, les libéraux, ni les péquistes, ni les caquistes qui vont le faire. Alors, Québec, réveille-toi! C'est extraordinaire. Réveille-toi! Réveille-toi! Exactement comme quand je ronfle. Puis que ma blonde, elle me met la main dans la face, là. Hey, Landry, réveille-toi! C'est exactement pareil. Ça a l'air à quoi une bière entre Amir Kadir puis Manon Massé? Oh, l'impression que les deux viennent de deux univers qui se seraient pas croisés dans la vraie vie. Regarde, moi, Amir Kadir, il est sur une liste de... Regarde, tu veux fermer la station de radio qui te donne du temps d'antenne puis qui te permet d'expliquer tes idées. Regarde, je peux intéresser de parler avec un clown de même. Et c'est un clown dangereux. Là. Moi, c'est ce que je pense. Là. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Je pense que c'est des gens qui sont condamnés à rester dans la rue avec une pancarte et qui ne devraient pas être élus puis représenter du monde. C'est ce que je pense. Mais on vit dans un drôle de Québec. Ici, on faisait rire de nous autres hier soir par des gens de Montréal parce qu'on avait réélu Sam Ahmad. Pendant ce temps-là, nous autres, on riait de monde à Montréal qui élisent Manon Massé, Amir Kadir et Makakoto. On vit dans un drôle de monde. On vit dans une drôle de province. Mais